Alors, il paraît que tu as gagné? Qui t'a dit ça? Personne, mais je le sais. Méfie-toi des « on dit », ce n'est pas toujours la vérité.